j'apprécie ton amour, ton velours, toi chérie. Il se plonge dans ton âme, dans tes larmes. Pour la vie, tu n'es pas une déesse. Je regarde dans l'ivresse, juste comme ça, la couleur de tes yeux ou des cieux. C'est bien toi. Pourrais-tu me donner la splendeur de ton nez en cadeau? J'ai senti comme un souffle dans mon gouffre, aussi chaud. Viens à moi s'il te plaît, tu me fais respirer et je pleure. Que l'avenir me réserve une surprise, j'ai si peur. Car ta vie et ton lit m'éloignaient de tes pas à jamais. Dans ma tête, tes mensonges comme un songe m'endormaient. Maintenant, que veux-tu? Toi et moi, ce n'est plus à minuit. Rappelle-toi les canards et le froid dans la nuit. L'univers se rétracte, cette histoire n'est qu'un acte que je scelle. À jamais tu m'oublies, toi et moi. Ne m'éveille. L'univers se rétracte, cette histoire n'est qu'un acte que je scelle. À jamais tu m'oublies, toi et moi. Ne m'éveille. L'univers se rétracte, cette histoire n'est qu'un acte que je scelle. À jamais tu m'oublies, toi et moi. Ne m'éveille.